Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veillot va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de la traversée du traversée du lac Saint-Jean en fat bike qui est compromise. On sait qu'on demain, on annonce environ 10 mm de pluie. Et par contre, David Lecointe a mentionné ce matin que normalement, malgré tout, il devrait quand même y avoir une traversée demain. On va écouter là-dessus David Lecointe qu'on a parlé ce matin. Bonjour. David, jusqu'à maintenant, il est 8 heures au moment où on enregistre. Où en est rendue la situation? Est-ce qu'on peut dire que la traversée est compromise ou elle aura bel et bien lieu? À l'heure actuelle, on peut te confirmer que la traversée du lac Saint-Jean à vélo devrait avoir lieu. On fait les tests sur la piste. On part maintenant pédaler pour tester le parcours. Et en fonction des résultats de ce test, on annoncera l'heure officielle du départ de la traversée cet après-midi à 16h. Parlons maintenant de patinage artistique. Il y avait une compétition qui s'est déroulée récemment à Jonquière et il y avait des patineuses du club de patinage artistique, les Perles Bleues de Boumsicily, qui étaient présents. On va vous donner les différents gagnants. Médaille d'or, catégorie Star 4, Coralie Bouchard a remporté une médaille d'or. Catégorie Interprétation, médaille de bronze pour Céline Gosselin. Catégorie Ruban Or, Amelia Saint-Pierre a remporté la médaille d'or. Du côté de la catégorie Ruban Argent, catégorie Star 3, Noémie Bouchard et Elisabeth Paré ont performé. Catégorie Star 2 a noté également que Florence Richard a remporté la médaille d'argent. De même que Taïlia Tremblay, médaille d'argent dans la catégorie Étape 4. Catégorie Étape 3, Léa Talbot a remporté un ruban d'argent. Et un ruban d'argent également dans la catégorie Étape 2 pour Magali Hudon et Elisabeth Lambert. Maintenant, du côté du ruban bronze, catégorie Star 3, Maisie Bergeron, Amelia Courchain et Émilie Tremblay ont terminé avec un ruban bronze. Catégorie Star 2, Alice Raté a terminé avec un ruban bronze également. Et dans la catégorie Étape 4, Pénélope Courchain, Annabelle Simard et Megan Thibault ont terminé la compétition avec un ruban bronze. Je vous donne maintenant des résultats dans les différentes ligues de hockey dans la catégorie simple lettre. Du côté Bantam A, les Bulldogs, Saint-Félicien et les Monarques de Saint-Amboise se sont livrés un verdict nul de 4 à 4. Loup de Mistassini 3 et Monarques de la Baie 3. Les Tomahawks de Mastouillage ont défait les Cougars de Chicoutimi 3-1. Et en catégorie Bantam B, gain des Sabres de Beauval 2-1 sur les Monarques de Saint-Amboise. Et les Bulldogs de Saint-Félicien ont battu les Blue Jackets de Jonquière 3-0. On sait que c'est la période de recrutement actuellement au niveau du football collégial. Il y a des équipes, il y a un joueur de Robertval qui a signé une entente avec les Genois d'Allemagne. Il s'agit de Maxime Doucet. Jean-Philippe Caron, qui était hier notre invité sur les ondes de DanoiseSport.com, a mentionné que c'est un jeune qui travaille très très fort. Un gars qui joue all-line, D-line, il peut jouer des deux bords, donc c'est déjà un plus en startant. C'est un jeune qui a un bon gabarit, c'est un jeune qui travaille très fort aussi, donc il est venu en pratique ouverte dernièrement. On a bien aimé ce qu'on a vu. C'est ça, là, dans le fond, il y a des gars des Genois qui coachent là, puis moi je suis allé voir un petit peu là-bas aussi, donc j'ai pu le rencontrer, puis c'est une bonne acquisition pour nous. Donc écoutez la section entrevue de DanRadioSport.com, hier on a parlé avec Jason Lajeunesse des Sabres de Robertval, Hugo Maltais et la chronique du hockey mineur. Je m'y suis également entretenu avec Gilles Péloquin, on sait que c'est le processus d'expansion a été lancé dans la Ligue nord-américaine de hockey, et on a également parlé avec une table ronde avec notre ami Bernard Barré et Frédéric Degg de la presse canadienne, où on parle évidemment du combat de ce soir entre Lucien Boutin et également LDR Alvarez. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, on s'en occupe.